Le docteur Mulatu Teshome, président éthiopien, a fait parvenir le message de consolation au maréchal Kim Jong-un. Le dessinateur a formulé les profondes consolations aux familles des victimes, peuple et gouvernement coréen, au nom du peuple, du gouvernement et du président éthiopien, à propos des dommages humains et matériels causés par l'inondation en septembre 2016.